Chapitre 4. Cependant, il ne fut bientôt bruit au château et dans les environs que d'un événement étrange. Cette partie de l'Allemagne, couverte de bois épais et sillonnée par le cours de la Meurgue, rapide cours d'eau qui peut se changer tout à coup après un orage en un torrent impétueux, cette partie de l'Allemagne, disons-nous, offrait à ses habitants des sujets d'inquiétude continuels. Trop souvent, des femmes, des vieillards, des enfants, ayant imprudemment essayé de traverser à gué cette rivière, l'avalanche liquide se précipitant des montagnes emportait au loin leurs cadavres déchirés par la violence de leur chute contre d'énormes rochers. Un soir, un bûcheron décidé à rejoindre immédiatement sa famille avait résisté au conseil de ses camarades. Bientôt renversé, enlevé par les flots, il devait périr, quand un bras inconnu, le disputant à une mort certaine, l'avait déposé sain et sauf à la porte de sa cabane. Interrogé le lendemain par ses camarades surpris de le revoir, le bûcheron ne put rien dire, sinon qu'un être surnaturel admirable de dévouement et de force avait acquis des droits éternels à sa reconnaissance et à celle de sa famille. Une autre fois, la nuit, après un violent orage, la vallée avait retenti de sinistres clameurs. La foudre tombant sur un groupe de chaumières venait d'y mettre le feu. Éperdus de terreur, les malheureux incendiés pleuraient déjà, les uns leurs femmes, leurs enfants, leurs troupeaux, d'autres, leurs vieux pères, incapables d'échapper aux flammes. Tous, enfin, la modeste fortune, récompense d'un pénible travail, et que le feu du ciel était prêt d'anéantir. Soudain, un homme paraît et sa voix les arrache à l'horrible stupeur qui paralysait leurs forces. S'adressant aux plus jeunes, aux plus forts, cet homme ranime leur courage, les assemble, organise de prompts moyens de secours, donne l'exemple d'un dévouement héroïque, et non content de sauver l'existence de tant de monde, il parvient encore, aidé des paysans stupéfaits de son sang-froid, de son audace, à réduire presque à néant les ravages du terrible fléau. Or, quel était cet homme ? Nul ne pouvait le dire. Cependant, un gardeur de chèvres rentré au logis plus tard que de coutume avait fait de ses impressions de la journée la narration suivante. Afin d'échapper à l'extrême ardeur du soleil, le chevrier s'était réfugié sous une grotte formée par les roches escarpées qui bordent le cours de la Meurgue. À peine se trouvait-il dans cet endroit qu'un étranger était venu s'asseoir à quelques pas de lui, derrière un épais rideau de feuillage. Et le petit pâtre avait entendu cet homme qui, évidemment, se croyait seul, murmurer d'une voix amère. « Plus faible que moi, presque un enfant. J'ai commis là une action lâche et indigne de pardon. Mais je ferai tout au monde pour reconquérir l'estime de moi-même, et bientôt, j'espère, celle de mes semblables me sera rendue. » Ce monologue ne se serait probablement pas arrêté là. Mais ayant aperçu de loin les bûcherons qui se dirigeaient de ce côté, l'étranger avait disparu dans le bois. C'était un homme encore jeune et d'une taille élevée. Il portait un costume entièrement noir. De longs cheveux en désordre tombaient de son front sur ses épaules. Un fin sourire brillait dans son regard. Son visage maigre était d'une pâleur de marbre. Tel, du moins, il était apparu aux yeux effrayés du petit chevrier. Et les auditeurs, vivement impressionnés des détails de ce récit, n'étaient pas loin de revenir aux superstitions qui donnèrent lieu autrefois en Allemagne à tant de légendes merveilleuses. Une seule personne semblait peu disposée à trouver rien de surhumain dans ces témoignages d'une force et d'un courage extraordinaires. Est-il besoin de nommer Marguerite ? Oui, oui, disait-elle avec une émotion qui trahissait à son insu de secrètes pensées, une voix à laquelle je ne saurais résister m'affirme que ce héros mystérieux que tout le monde admire n'est autre que Hermann. Le signalement de cet étranger, dont la présence ne se révèle que dans des occasions périlleuses, ne rappelle-t-il pas celui de notre parent ? Si Hermann est dans ce pays, répondait William, il ne doit pas ignorer que j'ai peu souffert, physiquement, de notre querelle. Pourquoi ne se montre-t-il pas ? Un mot, un seul mot de regret eût suffi. N'ai-je pas moi-même des reproches à me faire ? Ah, continuait-il en joignant les mains, si je savais où trouver Hermann, Dieu m'est témoin que je n'hésiterais pas à lui tendre les mains et à lui dire « Pardonne-moi comme je te pardonne ». Mais nos souhaits sont superflus. Bah, chère petite sœur, l'ingrat est parti, bien parti. D'autres affections le réclament. Résignons-nous à ne plus le revoir. À cela, Madame de Lutzen, une main sur son cœur et les yeux au ciel, répondait avec l'accent d'une conviction profonde. les principes que nous devons tous trois à la divine sagesse de notre pauvre mère sont de ceux qui ne s'oublient jamais. Égaré par de perfides entraînements, il n'aura fallu à notre cousin qu'un instant de réflexion pour apprécier lui-même sa conduite. Oui, certainement, si Herman en était à son premier égarement, mais loin de nous, à Paris, pendant 12 années, quelle existence n'a pas été la sienne ? À Paris, dit Marguerite, notre cousin échappait naturellement à la toute-puissance de souvenirs qui maintenant doivent agir sur lui. Je veux parler de l'influence morale des endroits qu'il a si souvent parcourus avec nous, tout enfant, influence qui, à cette heure, doit, selon moi, produire les meilleurs effets. Or, ce retour sur lui-même saurait-il être mieux amené que par la solitude, cet épouvantail des consciences troublées ? Que l'être mystérieux dont tous les esprits s'occupent soit Herman, rien ne le prouve, j'en conviens. Mais quelle raison avons-nous de croire absolument le contraire ? 1000 indices ne nous le désignent-ils pas ? Crois-moi, mon frère, ajouta la jeune fille, cet homme est un grand coupable, à qui Dieu, dans sa miséricorde infinie, accorde les salutaires souffrances de repentir. Les dévouements dont on s'étonne sont pour lui une expiation. Et cet homme, mon frère, à tes yeux comme aux miens, tout le ne dit-il pas, cet homme, héroïque dans des actes de repentir, c'est Herman. Mademoiselle de Lutzen, en s'exprimant ainsi, avait des accents si touchants, l'éloquence de son regard était si persuasive, que William ne tarda pas à partager l'illusion, disons mieux, les espérances de la jeune fille. Un troisième épisode, non moins extraordinaire que les précédents, vint bientôt dissiper les derniers doutes et précipiter le dénouement de cette histoire. William et sa sœur se promenaient un jour au fond d'une vallée peu éloignée du château. Soudain, le retentissement d'une course rapide accompagnée de mugissements les fit se retourner. Aussitôt, Marguerite et William jettent un cri d'épouvante. Un taureau, lancé à fond de train et dirigeant sur eux sa fureur, ne se trouvait plus qu'à la distance d'une 30aine de pas. William, ne songeant qu'au moyen de préserver sa sœur, s'était immédiatement élancé entre elle et le péril dont elle était menacée. Il allait être infailliblement renversé, déchiré. Cependant, il n'en fut rien. Au moment où le redoutable animal baissait la tête pour la relever ensuite avec plus de force, un homme, sortant de la forêt voisine, se jeta au-devant de ce monstre. Une catastrophe épouvantable devait résulter de cette situation périlleuse. Elle fut heureusement conjurée par l'arrivée de paysans armés de cordes. Le taureau fut aussitôt hors d'état de nuire. Cette fois encore, le héros de cette scène émouvante voulut se soustraire à l'empressement de ses obligés. Ce fut en vain. Une des cordes du furieux animal l'avait frappé en pleine poitrine. Il tomba, baigné dans son sang. À la hâte, on improvisa un brancard. Le blessé fut transporté avec précaution au château. En même temps, un paysan monté à cheval et à les brides battues à Forbach cherchait un médecin. Est-il besoin d'affirmer que le blessé n'était autre que Herman ?